Claude Lelouch. En 1965, le cinéaste déprime, car sa carrière ne démarre pas. Il quitte Paris et arrive sur la plage de Deauville tôt le matin. C'est en voyant une femme et son enfant qui se promènent que l'inspiration lui vient. Il a son histoire. Un homme et une femme sort en 1966 et connaît un succès immédiat. Deauville devient l'éternel rendez-vous du romantisme. Eugène Boudin. En 1884, le précurseur de l'impressionnisme s'installe à Deauville. Il y fait construire une maison où il passera les dernières années de sa vie. Raoul Dufy, Kees Van Dongen, etc. Inspiré par la lumière de la ville, plusieurs générations de peintres sont venues à Deauville. Jean Gabin. L'acteur a tourné certains de ses films à Deauville, mais il y a aussi habité entre 1956 et 1974. Il louera plusieurs villas avant d'en acheter une en 1961, qu'il rebaptisera la Grande Villa. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger achètent le château Gabriel à Bénerville-sur-Mer. Cette propriété, qui domine la baie de Deauville, devient un refuge, loin des mondanités. Le couturier y dessine et peut s'adonner à ses passions, la décoration intérieure et l'horticulture. Georges Simenon. En 1931, Georges Simenon est invité à Deauville pour signer ses livres. La station balnéaire est alors le centre d'été du monde élégant, comme il le décrit lui-même dans ses mémoires. Ce séjour va inspirer le romancier, puisqu'il écrira une nouvelle policière, la fleuriste de Deauville. Colette, écrivaine très populaire et femme libre des débuts du XXe siècle, Colette va trouver l'inspiration de sa célèbre nouvelle, Gigi, à Deauville, en 1944. Elle a alors 71 ans. C'est aussi dans la cité balnéaire, à l'hôtel Le Royal, qu'elle passera ses deux derniers étés.